Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler avec notre ami Stéphane Labeau. Salut Stéphane! Salut Danny! Stéphane, le Canadien qui a mis fin à sa séquence de 8 défaites consécutives. Tu as été dans le vestiaire d'une équipe qui subit plusieurs défaites consécutives. Un match comme hier, même si c'était pas le plus beau match, ça fait du bien. Là. Un gros soupir de soulagement dans ce vestiaire-là pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour le directeur général. Effectivement, Danny, là, des léthargies dans le marché de Montréal, c'est jamais plaisant. Tu te présentes à la patinoire à chaque jour et le plaisir n'est pas au rendez-vous lorsque tu perds et lorsque tu en perds 8 consécutives. Eh bien, je peux te le dire, là, ça devient très, très lourd. Et hier, sûrement, là, que ce match-là va faire du bien à toute l'équipe. OK. Si on, du côté, et puis surtout que les Islanders connaissaient une bonne séquence également, donc ça va certainement aider le moral du troupe, ça va baisser certainement la tension. Si on parlait un peu de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, 8 défaites consécutives, il y a eu beaucoup de monde à Montréal qui réclamait des têtes. Il faut quand même être patient. Moi, Stéphane, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Là. Moi, je les ai mis 12e de la conférence. Puis je pense que ça va ressembler pas mal de ça à la fin de l'année, là. Ben exactement, Danny, tu fais bien de le mentionner. C'est toujours une question d'évaluation qu'on fait de cette équipe-là. Mm. Moi, je trouve les 8 défaites, c'est un petit peu comme une correction boursière. Mm. Le Canadien, depuis les 20 premiers matchs, surperformait. On était parmi les meilleures équipes de la Ligue nationale, parmi les meilleures offensives. On avait battu 2 fois les champions de la Coupe Stanley. On a battu Washington à Washington. Dans cette période-là, on a même battu les Bruins de Boston. On a battu 2 fois Toronto. La défensive du Canadien ou les défenseurs du Canadien produisaient de façon incroyable. Donc, on pouvait pas penser que c'était pour durer éternellement. Et là, les 8 défaites, selon moi, ramènent le Canadien dans la position que moi, du moins, que j'évaluais, c'est-à-dire aux alentours entre la 8e et la 12e place, et c'est un petit peu la nature qui a fait surface du Canadien. Est-ce qu'on est aussi mauvais que les 8 matchs lors des défaites? Non. On se situe un petit peu entre les deux, mais le Canadien se retrouve là où il devrait être, selon moi. Mais Stéphane, tu corriges, je me trompe, les matchs, les gains du Canadien ont été acquis aussi beaucoup contre le deuxième gardien de l'autre équipe aussi, là. Deuxième gardien de but, encore hier, on a vu, le Canadien a joué contre un New York Islanders qui avait joué la veille. Demain, ça sera le même cas avec les visiteurs qui seront l'Avalanche du Colorado, excuse-moi. Ouais, qui joue 2 matchs donc, en 2 soirs. On profite de la fatigue, on profite du fait qu'on souvent on va affronter le deuxième gardien de but, mais au travers de ça, le Canadien se doit de toujours jouer son meilleur hockey s'il veut avoir une chance. Il ne peut pas se permettre de jouer à 80%. Et on le voit aussi, autre élément important, c'est la profondeur. On manque Jonathan Drouin, on manque Paul Byron, et tout d'un coup, on manque 2 joueurs importants, mais pas dominants, mais malgré tout ça, il y a un impact très, très important dans la profondeur de cette équipe-là. Ouais, puis pas rien que ça non plus. Tu regardes Mété, Victor, on a perdu le service de Mété. Ben Chariot joue 27-28 minutes. Ben Chariot, c'est pas Bobby Orr, là. Non, exactement. On surtaxe. Et c'est là qu'on voit qu'on est très, très fragile. Mm. Et dans tout ça aussi, moi, je pense qu'il faut absolument parler là, de Carey Price. Carey Price, là, qui avait à peu près les mêmes statistiques que Keith Kincaid. Mm. Lui, Kincaid, il s'est fait envoyer à Laval en disant que son travail n'était pas à point. Mais on pourrait dire la même chose de Carey Price, qui est le joueur le plus haut salarié cette année avec 15 millions de dollars. Puis, qui se retrouve tout près de 40e dans la Ligue au niveau des statistiques gardien de but, soit en pourcentage d'efficacité ou en moyenne de buts accordés par match. Puis pas rien que ça non plus. Tu sais, Kincaid, as-tu l'impression, dans le cas de Kincaid, qu'on a voulu attirer l'attention? Pas attirer l'attention, mais je veux dire, changer un petit peu, baisser l'attention, parce qu'après le match de dimanche soir, les gens à Montréal étaient en furie, puis on réclamait tout le monde, on réclamait la tête de Bergevin, on réclamait la tête de Claude Julien, tout le monde y passait au cash, là. Puis en changeant de gardien de but ou en le soumettant au balotage, ça fait, les journalistes parlent de cette nouvelle-là. On rappelle Kaden Primeau également. Donc ça baisse un peu l'attention, une œuvre de diversion, quoi. Ben, ça peut être ça, mais moi j'ai trouvé que c'était très maladroit de faire ça dans le contexte actuel. D'autant plus que Kincaid a gardé les buts 5 reprises cette année. Ouais. Et il a amassé 5 points, donc il joue à peu près pour 500. C'est à peu près la même fiche que Carey Price avait avant le match d'hier. Mm. Donc, on a été... je pense qu'on a frappé sur le mauvais morceau en faisant ça. C'était quoi la stratégie derrière ça? Est-ce que c'est parce qu'on veut donner la chance à Kaden Primeau? Tant qu'avoir un gardien de but qui ne fait pas le travail, pourquoi pas avoir un jeune qui peut-être on peut lui donner un peu de millage? Ouais. Mais la Cup Primeau, je l'aurais laissé à Laval, Stéphane. Ben, est-ce que son appel va être définitif? Est-ce qu'on va juste le mettre en action pour voir sa progression? Mais de toute évidence, chez le Canadien, que ce soit Price ou le deuxième gardien de but, on se doit d'être meilleur, même si notre défensive est poreuse, donne beaucoup de chances de marquer. Ben, ça prend des statistiques, des pourcentages d'efficacité quand même nettement supérieurs à ce qu'il faut. À ce qu'il l'affiche depuis le début de la saison. Ouais, c'est sûr. Ça va être intéressant. Stéphane, je veux t'entendre sur MeToo également. On a une vague d'entraîneurs qui se font vraiment dénoncer par leurs anciens joueurs. J'ai parlé avec Marc Fortier le semaine passée. J'ai parlé avec Yvon Lambert qui a eu Scottie Bowman tout au long de sa carrière. Je veux t'entendre là-dessus. Moi, quelque part, écoute, est-ce que c'est intelligent? Non. Mais c'est là, moi ce que j'en ai, c'est les dénonciations sur des affaires que ça fait 10, 15, 20 ans de ça. C'est là que j'ai un bug. Ben moi aussi, il faut faire attention quand on s'exprime sur ce sujet-là, parce que ça peut être délicat. Il y a des actions, des gestes du passé qui sont encore aujourd'hui réprimandables. Si on parle des agressions sexuelles, les gestes d'une très grande violence n'avaient pas leur place à l'époque et n'ont toujours pas leur place dans cette époque-ci. Par contre, il y a des mœurs, des façons de faire qui, jadis, étaient comme acceptées, tolérées par les dirigeants, par les propriétaires. Et dans le contexte d'aujourd'hui, parce que la société a évolué, ben aujourd'hui, ça n'a plus sa place, sauf qu'on fait des projections d'époque et c'est là que ça peut être dangereux. Il y a beaucoup d'entraîneurs actuels, que ce soit dans la Ligue nationale ou moi, surtout dans le junior majeur, quand j'ai joué là, il y en a sûrement des coachs là, qui sont très, très nerveux parce qu'ils doivent dire si les histoires sortent, des histoires d'initiation, de comportement, de gestes, qui à l'époque n'étaient pas nécessairement toujours mal intentionnés de leur part, mais qui voulaient provoquer leur vestiaire, provoquer leurs athlètes. Il s'en prenait des fois de façon violente, verbalement, poser des gestes discutables dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à ça, mais je suis un petit peu d'accord avec toi. Là, on s'en va où avec ça, puis jusqu'à où que ça va sortir? Oui, il y a des choses qu'il faut dénoncer, je suis pas contre ça, mais il y a des gestes qui, jadis, étaient anodins et que maintenant... Et je t'ai donné un petit peu l'exemple. J'ai déjà vu mon père, dans les années 70, conduire son véhicule sans être attaché, avec une bière entre ses jambes, parce qu'à l'époque, c'était tolérable. Ouais. Les policiers, ils ne pouvaient rien faire parce que c'était toléré. Et même, ils envoyaient la main à mon père en disant, il n'y a pas de problème. Mm. Aujourd'hui, mon père, il ferait ça aujourd'hui, dans le contexte aujourd'hui. Ça serait avec des répercussions incroyables. Donc, il faut faire la part des choses au travers les différentes époques. C'est ça. Ça va s'arrêter où, là? Stéphane, toujours un grand plaisir. On va se reparler dans le temps des fêtes pour la rétrospective de l'année. Ça me fait plaisir, Danny. À bientôt. Stéphane Le...